Vous écoutez La Première et voici tout de suite Histoire vivante. Jean Leclerc et Frédéric Pfeiffer vous proposent Histoire vivante. La relation entre la Corée du Nord et du Sud ont franchi une nouvelle étape. Je crois que c'est l'affrontement le plus important de la guerre froide. Elle a vu ce qui s'est passé en Chine dans les années 1840. Cette semaine, la Corée. Elle a vu ce qui s'est passé au Japon une génération après, dans les années plutôt 1860. Du déchirement au face-à-face. La Corée a été divisée pour un crime qu'elle n'avait pas commis. Un même nom pour deux pays. Le nom de Pyongyang n'apparaît pas aux côtés de Séoul sur le logo olympique. Ici, c'est ni le communisme, ni autre chose, c'est le Kim Il-sungisme. Les Américains n'ont pas su gérer un pays qui avait 5000 ans d'histoire. Cela peut paraître curieux, mais en Corée du Nord, les formations en tourisme jouissent d'une réelle popularité. Ils vivent aussi sur un système de caste. Les femmes coréennes sont la force. C'est le modèle. C'est l'endroit où on voudrait habiter. Et même, je dirais, la compétitivité de la Corée. Bonjour Pierre-Olivier François. Bonjour. Un petit rappel, la dernière fois que nous nous sommes causés, il était question déjà, il en sera question encore aujourd'hui, de la Corée. Décidément, la Corée est un sujet qui vous inspire, un pays que vous fréquentez fréquemment. À ce jour, vous en êtes à combien de films sur la Corée ? C'est le quatrième. J'en ai fait un premier en 2003 et à l'époque, j'avais pas eu de visa. Ensuite, j'en ai fait deux épisodes d'une même histoire en 2012-2013 qu'on a réactualisé et qui va bientôt repasser pour aller jusqu'en 2019. Et puis là, c'est donc ce film « Pyongyang s'amuse » qui est un peu aussi un condensé de ce qu'on n'a pas pu montrer dans les autres. Vous inscrivez dans le documentaire cette formule que j'ai retenue, 8 années pour ce documentaire. Ce sont des années où se cumulent progressivement des images prises par-ci, par-là, et qui s'incorporent ou que vous incorporez dans le film pour recréer un récit. C'est exactement ça. Les premiers plans doivent dater de 2011. C'est des plans d'hiver. On avait pu être au milieu de Pyongyang par moins 15 et on avait vu des trucs qui nous avaient paru dingues, mais qui rentraient pas dans les autres films. C'était des films plus géopolitiques, plus d'enquête historique. Et ce film-là, c'est un film en creux, si j'ose dire. C'est un film pour montrer ce qui se passe, qu'est-ce que font les Coréens du Nord quand ils ne défilent pas. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'on fait quand on a éteint les grands... Le tourne-disque de la propagande. Le tourne-disque de la propagande, le défilé militaire, le tir de missiles, les invectives avec Trump à l'ONU. Mais il reste malgré tout un pays qui ne peut pas faire que ça. Il reste quelques heures par jour, tout de même. Oui, et puis pas mal. Et puis même des semaines, des mois, des jours, des nuits, des naissances, des mariages, le pique-nique du dimanche, qu'est-ce qu'on mange, qu'est-ce qu'on chante, où est-ce qu'on va, où est-ce qu'on se promène, est-ce qu'on a des vacances. Toutes des questions que je crois qu'on ne se posait pas, parce qu'on a du mal à imaginer que les Coréens du Nord sont des humains. Le parc Moranbong, c'est le Central Park coréen, lieu favori des sorties dominicales. Qui trouve-t-on ? Des tirs aux pigeons, des danseurs, beaucoup de pique-niques. Les jours fériés, l'État offre parfois de la viande et des bières. Ici, tout le monde danse dans un style indéfinissable, étrange, quasi chamanique. Plus loin, des promeneurs se sont lancés dans une compétition de chant. En Corée, tout le monde sait chanter tous les tubes. Chanter, c'est communier. Ne pas chanter, c'est être seul. Impensable. Qui voudrait être asocial ? Pierre-Olivier François, vous touchez là un sujet que je trouve absolument passionnant et que votre documentaire co-signé avec Patrick Morus ouvre. C'est comment se construit un cliché, comment se construit une idée reçue et comment d'ailleurs peut-être plus précisément l'Occident libéral construit son image de l'autre. À l'évidence, peut-être y a-t-il du côté de l'Occident, sans qu'il s'en rende compte, un modèle unique, sans altérité possible. Or là, il y a d'évidence une altérité. Un certain nombre de comportements, de codes, sont assez en commun avec ce monde-là. Je n'en dirai qu'un comme ça très rapidement, c'est ce côté kitsch qui inonde énormément nos propres sociétés et particulièrement présent aussi là-bas. Et il n'y a pas que ça. Et puis, il y a une somme de différences absolument incroyable. Moi, j'ai adoré ce documentaire. On peut peut-être ouvrir un des premiers chapitres qui est la réalité de l'écart entre ville et campagne. Ville qu'on a presque envie de mettre, d'ailleurs, au singulier. Il y a Pyongyang d'un côté, et puis il y a la campagne de l'autre. Comment la campagne regarde-t-elle la ville? Alors, je vous remercie beaucoup pour tout ça, enfin, avec Patrick Morus, avec qui on a eu cette idée de film, qui est quelqu'un que j'aime beaucoup, qui a dirigé les études coréennes au Langzhou à Paris pendant très longtemps, qui traduit du coréen, donc qui connaît la Corée du Sud et du Nord extrêmement bien, y compris sa langue, sa culture. On avait eu, tous les deux, et lui il a été plus souvent que moi, cette impression que quand on revient de Corée du Nord, ce qu'on voit ici dans nos médias ne correspond pas tout à fait à ce qu'on a ni ressenti ni vu. Mais que c'est très difficile de montrer et d'arriver à transmettre ce qu'on ressent là-bas. Alors vous avez évoqué le fait que c'est la manière dont nos mondes occidentaux imaginent l'autre. Je crois que la Corée du Nord aujourd'hui, ça fait partie des grands autres vraiment très loin. C'est-à-dire qu'on parlait du fait quelles couleurs ils ont et comment ils sont. C'était effectivement ça. C'est comment faire pour montrer que il y a de la couleur, il y a des sons, il y a du temps qui se passe en dehors de tout ce qu'on voit dans les news qui nous paraissait important. Il y a des sourires. Surtout quand on y va, ça m'est arrivé plein de fois. On partait pendant une crise nucléaire qui avait l'air de la fin du monde ici, et donc dans l'avion, j'étais normal. Et je me disais, mais pourquoi je vais là-bas? Je veux dire, j'ai une femme, des enfants. Pourquoi je vais me faire éventuellement, je me retrouvais poussière dans une guerre nucléaire? Et on arrive sur place, c'est l'inquiétude totale. Il se passe rien. La Corée du Nord vit sa petite vie. On récolte, je sais pas quoi. Il y a eu un discours. Et donc, où est la tension qui était encore dans l'avion? Alors, ça ne veut pas dire qu'elle n'existe pas, ça ne veut pas dire que la Corée du Nord, c'est la Suisse, ni dans son mode de fonctionnement, ni dans son rapport à la démocratie, ni dans sa liberté individuelle, mais ça veut dire juste que comment on fait pour raconter ça sans dénaturer non plus le rapport politique par rapport à ce que c'est cette société, ce régime, ce monde qui s'est construit il y a 70 ans avec plein de choses terribles pour nous, pas de liberté individuelle, énormément de contrôles policiers, des camps de travail et tout ça. Sauf que ça, je ne le vois pas. Je sais le lire, mais je ne le vois pas dans le quotidien, ou très très difficilement. En revanche, je vois plein d'autres choses. Donc comment raconter la dialectique? Alors vous parlez du rapport entre Pyongyang et la campagne, ce qui est peut-être le plus frappant, c'est effectivement que la Corée du Nord étant un pays fermé, très peu de gens y ont le droit de voyager, c'est un pays qui est, comme la France ou l'Angleterre, hyper centralisé. Donc l'objectif pour la plupart des habitants, c'est d'arriver à vivre à Pyongyang. Pour ça, il faut des permis et être sélectionné pour faire partie. Il faut être un bon élève. Il faut être un très bon élève si on vient de la campagne, ou bien il faut venir d'une très bonne famille, c'est-à-dire que votre grand-père, idéalement, ait combattu avec Kim Il-sung contre les colonisateurs japonais en 1930. Oui, mais ça sous-entend, pardon de vous interrompre sur ce point, mais dans un pays où la méritocratie semble évidente, ce privilège transmis par la seule filiation est comme une contradiction. C'est pas la seule. ils ont des contradictions. Bon, pour un aussi, pays dont le décorum est socialiste, l'hypercentralisation et la construction en pyramide n'est pas hyper simple non plus. Le fait que jusqu'à il y a très récemment, il y ait eu environ 40 niveaux de catégories sociales assez fermées et qu'il n'était pas simple de se marier au-delà de sa catégorie n'est pas non plus hyper facile. C'était ça a changé. Possible. Ça a changé parce que beaucoup de choses ont changé depuis 10-15 ans. Ça change pourquoi? Ça change comment? Ça change parce qu'il y a eu des gros, gros coups dans la structure telle qu'elle a été imaginée par le régime de ce pays. Il y a eu la mort de Kim Il-sung, le fondateur. Il y a eu la guerre froide qui s'est terminée avec les Russes et les Chinois qui n'ont pu subventionner normalement, entre guillemets, ce pays. Donc, ils se retrouvaient tout seuls au milieu. Il y a eu la famine effroyable entre 1994 et 2000 où, en fait, l'économie a changé. C'est-à-dire qu'on a permis que se réinvente le marché des marchés. Mais pendant ce temps-là, il y a beaucoup de gens qui dépendaient du système de distribution qui sont morts de faim. Et ensuite, il y a eu d'abord sous Kim Jong-il et aujourd'hui sous Kim Jong-un, une relative libéralisation de l'économie. Relative. Hein. Tout ça fait que ça change. Et donc, les hiérarchies anciennes ont été modifiées. Au Nord, la pratique du mariage avec intermédiaire, chargé de vous présenter un partenaire idéal pour vous et pour votre famille, est très répandue, presque autant qu'au Sud. Cela l'emporte très largement sur le mariage amoureux. Conséquence directe, on doit se marier dans sa catégorie sociale. Longtemps, on trouvait au sommet de la hiérarchie sociale les descendants des compagnons de lutte de Kim Il-sung. Tout en bas, les familles des collaborateurs des Japonais et leurs héritiers, bien sûr. Entre les deux, une quarantaine de niveaux, avec impossibilité de se marier hors de son rang. Mais la fin de règne immobiliste de Kim Il-sung, la famine sous Kim Jong-il, la désintégration partielle de l'État et du parti qui s'en est suivi, tout cela a non seulement chamboulé le pays, mais aussi complètement remis en cause les hiérarchies. Conséquence pour le mariage, un élargissement des choix. Aujourd'hui, les métiers cotés sont scientifiques, diplomates, militaires et, bien sûr, hommes d'affaires. Les jolies policières qui réglaient jusqu'ici la circulation ont longtemps été très demandées sur le marché du mariage. Mais elles sont progressivement remplacées par des feux rouges. On a l'impression, quand on regarde votre documentaire, Pierre-Olivier François, documentaire dont je rappelle le titre « Pyongyang s'amuse », que infuse progressivement quelque chose qui serait quand même une part de la culture occidentale. Ou tout au moins de ces objets, de ces formes, de ces couleurs. Est-ce que ça peut se dire comme ça? Ou renverser la phrase en disant « la Corée du Nord s'autorise et filtre comme une douane méticuleuse » ce qui peut entrer et ce qui n'entrera pas. Elle essaye de filtrer. Elle essaie de filtrer. Il y a plein de choses qui rentrent, qui aujourd'hui viennent de Chine ou de Corée du Sud indirectement, via des clés USB, via des téléphones portables, des brokers qui sont à la frontière et qui font des contacts entre la Corée du Nord et la Corée du Sud. C'est en gros la même langue. Plein de choses qui sont donc ça, des choses illégales mais qui rentrent. Et puis, il y a des choses légales, c'est-à-dire que on a l'impression que la Corée du Nord est coupée du monde en termes d'informations. Il y a plein d'informations qui arrivent officiellement, elles sont juste choisies, y compris dans le journal du parti. On peut avoir un très grand article sur comment fonctionne le système judiciaire et notamment le problème des prisons aux États-Unis. Très bon sujet, très bien travaillé, très grande enquête, reprise de grands journaux étrangers, pour montrer que le système carcéral américain fait qu'il y a 1% des Américains qui sont en prison. Bon, c'est bizarre que ce soit le journal du parti. C'est peut-être que ça intéresse. Peut-être que ça a fait des résonances, ou des parallèles, ou des ce qu'on veut pas être. Mais il y a plein de choses qui peuvent apparaître. Vous pouvez avoir l'intranet nord-coréen, fait qu'aujourd'hui, on estime qu'il y a 4 millions de téléphones portables dans le pays. Moi, je les ai vus, les téléphones portables. Vous demandez la météo, les gens, ils tapent dessus, ils regardent, maintenant, normalement, il va pleuvoir dans 2 heures dans la région où on va, donc faut faire attention pour le tournage. Attends, je vais les appeler. On n'a pas réservé l'hôtel. Ou bien, les plus jeunes, je pense qu'il y a des, à mon avis, je ne sais pas si vous avez Tinder, mais vous avez sûrement des sites de rencontres, même si les mariages sont encore un peu différents. Comment vous appelez Laurier, Pierre-Olivier François, ce régime? Parce qu'évidemment, dictature, ça remplit un huitième de la définition. Dans l'autre film qu'on avait fait, La Corée, impossible planification, il y avait une interview dans les années 80 de Norodom Sihanouk, qui était à l'époque très ami avec Kim Il-sung, le fondateur, aussi parce qu'il le protégeait, etc. Et il avait dit, ici, c'est ni le communisme, ni autre chose, c'est le Kim Il-sungisme. Donc, ça a un peu changé. Maintenant, je crois que le parti des travailleurs s'appelle le parti du leader. À Pyongyang, se dira Madame la paysanne lors de sa visite, tout est plus grand, plus beau, plus moderne. On y trouve plus de tout, plus de magasins, de nourriture, de logements, plus de lumière, de travail, d'éducation, plus de culture. Comment ne pas désirer y vivre? La capitale, c'est plus que le centre de l'État. C'est le modèle. On lui apprendra que ces immeubles modèles sont la résidence des citoyens modèles, chercheurs, militaires, hauts fonctionnaires. Madame la paysanne sera abasourdie par ces gratte-ciels dont le plus célèbre est en forme d'atome. Du balcon, on a une belle vue sur le boom immobilier de la capitale. Les couleurs contrastent avec le gris dominant d'il y a 20 ans. Elle ne saura rien non plus du marché immobilier semi-légal qui s'est développé dans les grandes villes ces dernières années. Quand l'État offre un nouvel appartement à ses fidèles, ceux-ci s'empressent de vendre le droit de résidence de leur ancien appartement. Les prix atteindraient plus de 100 000 dollars pour les mieux placés, l'État n'empochant qu'une fraction sous forme de taxes. Marx aurait pu appeler cela de l'accumulation primitive du capital. Alors, vous nous montrez des images évidemment fort mal connues. En l'occurrence, la phénoménale évolution architecturale de la capitale Pyongyang. Il y a notamment un plan sur l'avenue des scientifiques qui est très très impressionnant par le développement architectural. Mais en général, quand les immeubles poussent comme des champignons, on est tenté d'aller voir un peu plus près la solidité du bâti. Alors, est-ce que la chose a poussé très vite mais est fragile, ou bien on a construit fort solidement. Je ne sais pas si c'est... Mais j'espère que la Corée du Nord n'est pas sur une faille sismique. Je crois qu'elle ne l'est pas. Je ne sais pas exactement ce qui se passe. J'ai vu l'état de construction, enfin les chantiers, en revanche, qu'on n'a pas le droit de filmer. Ça fait partie des choses qu'on n'a pas le droit de filmer. D'abord, beaucoup de militaires qui sont envoyés pour construire des tours et les gratte-ciel. Mais les normes de sécurité ne sont peut-être pas tout à fait les nôtres. Je n'ai pas eu de détails sur le nombre de blessés ou de morts par accident. Après, ça me rappelait beaucoup l'Allemagne de l'Est dans les années 70. Entre les gens qui habitaient dans les chouettes appartements du 19e, mais qui étaient chauffés au lignite, où il y avait peu d'électricité, pas vraiment l'eau courante, en tout cas pas chaude, et où les murs étaient quand même assez fissurés, les fenêtres pas terribles, et les nouvelles constructions que nous on trouve atroces, qui ressemblent à des cités françaises des années 80, où vous aviez un chouette 4 pièces, où il y avait l'eau chaude, l'ascenseur fonctionnait, électricité avec toutes les prises, etc., etc., ben, y avait plein de familles qui disaient « Moi, je veux bien aller dans le nouveau. » « Je veux bien aller dans le moche. » « Je veux bien aller dans le moche. » Donc, je crois que c'est beaucoup comme ça aussi. C'est après ce que j'ai compris quand même dans le logement ancien, vétuste, y compris qui est parfois date d'avant la guerre de Corée, hein, dans les petits villages, il y a des endroits où il n'y a pas encore l'électricité. Maintenant, il y a de plus en plus de capteurs solaires qu'on voit. Donc ça amène l'électricité pour tout le monde en permanence. Mais ça veut dire qu'il n'y avait pas d'électricité tout le temps. Il fallait chercher de l'eau à l'extérieur. Il n'y avait pas l'eau chaude, etc., etc., etc. Donc tout est toujours relatif. Et on revient à ce que vous disiez tout à l'heure. Pyongyang, c'est le centre. C'est le modèle. C'est l'endroit où on voudrait habiter. C'est l'endroit paradis, oui. On veut surtout pas se faire virer parce qu'on a fait une grosse bêtise. Une fois qu'on y habite, ou vos enfants, et donc Pyongyang a aussi une valeur stabilisatrice, à mon sens, pour ce monde qui arrive encore, relativement, hein, avec toutes les exceptions qu'on a parlé, à vivre dans un monde, disons, auto-centré. C'est combien d'habitants, la capitale ? 3-4 millions sur 25. Alors, on parle d'idées reçues, de clichés vis-à-vis de la Corée du Nord. Je me suis fait une petite note en me disant que ce qui peut contribuer à donner de la Corée du Nord une image quelque peu ubuesque, c'est la forme des casquettes des policiers et des militaires. Comment la décrire ? Il y a une espèce de forme exubérante qui laisse imaginer une sorte d'hypertrophie de la boîte crânienne. Enfin, c'est comme ça qu'elle m'est apparue. J'imagine que vous avez regardé ça aussi parfois avec... Ils ont des belles casquettes et qui peuvent. Alors, oui. Vous parliez tout à l'heure du kitsch. Le kitsch implique du second degré et de l'ironie. Sur le régime, sur les militaires, c'est pas toujours bienvenu jusqu'ici. Il y a sûrement des blagues internes parce qu'il y a des. Ni sur les coupes de cheveux du leader. Pareil, je pense. Mais il y a des sitcoms qui se passent en Corée du Nord, à la télé, où les gens se marrent. Et d'après ce que j'ai compris, parfois, il y a des ambiguïtés qui laissent à penser que l'esprit graveleux existe aussi en Corée du Nord. Il y a de la place, donc. Écoutez, ce sont des humains. Et il y a des hommes et des femmes, des hommes et des hommes, des femmes et des femmes. Enfin, toutes sortes de choses qui sont possibles. Ils font des enfants. Un grand moment dans le documentaire, c'est le passage sur scène du groupe féminin Moranbang. Alors, il faut le présenter, quel est ce groupe, et puis peut-être un peu décrire, pour donner l'envie à ceux qui nous écoutent, la scène que vous avez filmée. Alors Moranbang est un élément très important qui est la réponse de la Corée du Nord à la vague de la Corée du Sud qui a envahi toute l'Asie, qui s'appelle la K-pop. Et qui, si vous avez des enfants jeunes ou qui nous écoutent, fait aussi un certain malheur en Occident. Donc la pop coréenne, qui sont les produits ultra sophistiqués, standardisés de musique pop aujourd'hui, bien sûr, est arrivé indirectement en Corée du Nord par des clés USB, même si on n'a pas le droit de l'écouter, pas le droit de l'écouter, de le regarder, etc. Et donc, il y avait avant des groupes de musique un peu qui faisaient chez nous, disons, fêtes kermesse des années 70, qui, même pour la Corée du Nord, paraissaient peut-être pas hyper attrayants pour les jeunes, les cadres, les branchés. Folklorique. Et donc, a été décidé tout en haut de faire un groupe féminin avec des jeunes militaires plutôt jolis, qui rajeuniraient la pop nord-coréenne. Et qui font un tabac. Patrick Morus se souvient très bien, il était là en Corée du Nord la première fois où il a vu apparaître à la télévision d'État Moranbang en concert avec des mini-jupes. Il faut savoir que la mini-jupe n'existe pas vraiment en Corée du Nord. Et il m'a dit, tout un coup, j'étais en train de parler avec un type à un restaurant. Le restaurant s'est arrêté. Tous les mecs se sont tournés vers la télévision. Ils ont ouvert la bouche et il y a eu un grand blanc. C'est-à-dire que ça a été un choc. D'impudeur ? Non, de c'est possible. C'est possible. C'est autorisé. Ça vient d'en haut. Oui, parce que sinon, c'est pas là. Hein. Parce qu'ils reprennent aussi les grands chants qui sont à la gloire, ou en tout cas, qui sont des soutiens du régime, mais en pop-rock, etc. Donc nous, la scène qu'on a filmée, c'est qu'on a été dans un des grands parcs d'attractions, qui est le parc aquatique de Pyongyang, qui est extrêmement populaire, qui a été construit sous injonction de Kim Jong-un. Et comme dans beaucoup d'endroits, vous avez en fond une télévision. Et cette télévision passe en boucle, comme dans plein d'endroits en Corée du Nord, les concerts de ce groupe pop-rock féminin militaire de girls band, Moranbang. Et c'est lors d'une grande cérémonie avec des cadres du parti qui sont visiblement très contents d'être là et qui sont à fond. Il faut le dire, ils sont à fond. Et le clip qui va avec est à fond. Et il est tellement bien qu'à la fin du clip, eh ben, il y a un missile qui part et le monde explose. Et nous, on était juste fascinés. Ah oui, c'est vraiment dingue. Fascinant. Oui, oui. Et en bas, les gens barbotent. Et il faut dire ce qui est. C'est génial de filmer ça. C'est hyper intéressant. Parce que vous avez plein de couches différentes pour essayer de comprendre un pays où, visiblement, on est plein à s'arracher les cheveux au monde pour essayer de comprendre comment ça fonctionne. Depuis que j'essaie de suivre un tout petit peu ce truc, et Patrick depuis plus longtemps, on entend tous les deux ans que ça y est, c'est fini, ça va s'effondrer, etc. Bientôt, la Corée du Nord existera de plus longtemps que l'Union soviétique. Donc, ça veut dire quand même qu'il y a une forme de longévité, de stabilité, troisième, quatrième génération de Nord-Coréens, qui font que, voilà, il y a eu beaucoup de plus de pays qui ont été créés depuis que la Corée du Nord. À la fin, le voyage se terminera par la visite d'un parc d'attractions et d'un parc aquatique, les grandes priorités de Kim Jong-un. L'entrée est chère, 2 euros, mais tout le monde se mélange et s'amuse comme des enfants. On glisse, on rit. Dans la foule, les provinciaux paraissent parfois un peu perdus. Mais comme beaucoup de visiteurs ne savent pas nager, cela passe inaperçu. La télévision nationale s'est d'ailleurs mise à diffuser des cours de natation. Le soir commence à tomber. Dernière étape, le parc d'attractions central derrière l'Arc de Triomphe. Du pain et des jeux, diront certains. Mais c'est plus que cela. Tout Coréen rêve d'avoir le droit de venir habiter à Pyongyang et de profiter de toute cette opulence. Tout habitant de la capitale n'a qu'une hantise. Faire une grave bêtise, entraînant le renvoi par le pouvoir central du fautif et de sa famille en province, pour quelques années ou pour toute la vie, là où le contrevenant et ses enfants auront moins de tout. Avec ses lumières et ses attractions, Pyongyang encourage la loyauté. Alors on s'amuse vraiment dans les parcs et les piscines de la plus belle ville du pays, et même du monde, puisque celui-ci s'arrête à la frontière. Autre Un phénomène de curiosité qui permet d'approcher le pays, c'est l'existence des parcs d'attractions. L'attraction a une importance, on le sent, centrale. Est-elle systématiquement une soupape de sécurité ou bien convient-elle à la façon qu'ont les Coréens du Nord d'aimer vivre ? Parce que, je le dis à l'avance pour ceux qui découvriront votre documentaire, on voit beaucoup de gens chanter, danser, ne pas du tout agir comme des automates sur commande, prendre du temps sur leurs heures de travail pour aller se réfugier sous un trois à l'abri du soleil pour répéter une chanson en chorale avec un accordéon. La musique, la danse, la gestuelle incroyable de la danse, déjà filmée, vous le rappelez, par Chris Marker en son temps, donne une impression de rapport à l'espace, de rapport aux choses, dans laquelle effectivement le parc d'attractions a toute sa place. Il y a plein d'éléments, et encore merci d'avoir si bien vu tout ça, que vous dites, qui effectivement nous interrogent, Patrick Maurus et moi, quand on y est. C'est-à-dire que cette légèreté, cette insouciance presque infantile, on ne la trouve pas plus toujours dans nos sociétés. Donc ça nous interroge sur nous. Ça ne veut pas dire qu'on ne veut pas forcément importer la Corée du Nord chez nous. Ni lui ni moi ne sont de dangereux agents nord-coréens qui sont là pour essayer d'importer le Kim Il-sungisme en Occident. De toute façon, je ne suis pas sûr que ça marchera. Donc il y a le fait que les années 90 ont été terribles. Terribles. Je rappelle la famine 1994-2000, d'après un économiste nord-coréen avec qui on a parlé, c'est-à-dire qu'elle est plus longue que ce que nous, on a dans nos articles occidentaux, dans leur propre écriture, et entre 500 000 et 1 million de morts de faim, pour un pays de 24 millions. C'est-à-dire que tout le monde connaît des gens et tout le monde a eu faim. Donc quand Kim Jong-un arrive au pouvoir après son père qui vient de décéder un peu rapidement et qui dit « vous n'aurez plus à vous serrer la ceinture », ça détend. Ça détend. Et deuxièmement, les parcs d'attractions sont une priorité nationale et on y a été, on a passé du temps et plein de journalistes y sont emmenés et disent « ah mais c'est du pain et des jeux ». Oui, c'est du pain et des jeux. Mais qu'est-ce que ça veut dire des pains et des jeux ? Pour plein de gens, c'est important. Ça ne veut pas dire que la liberté n'est pas importante, mais la liberté, pour l'instant, c'est pas encore tout à fait dans le débat. S'il est une chose que les Coréens du Nord savent faire, ce sont les défilés. À chaque fois, les experts militaires mondiaux s'écharpent pour savoir quel missile a été montré, installé sur quel véhicule, importé en violant quelles sanctions de l'ONU. D'autres analysent les slogans ou les variations entre les défilés sous Kim père, fils et petit-fils. Mais ce qui est certain, c'est qu'ensuite, on montrera le peuple acclamer ses dirigeants. Il faut des semaines d'entraînement pour réussir ces mosaïques vivantes. En 10 ans, tout s'est sérieusement compliqué. Il faut composer des lettres géantes qui changent en cours de défilé, ce qui est bien plus épatant, mais gare à celui qui se trompe. Vous filmez quelque chose, Pierre-Olivier François, qui n'apparaît pas dans le commentaire, mais sur lequel j'ai envie de vous interroger. Puis vous avez de la chance, vous avez 30 secondes pour répondre. La question de la discipline, c'est un endroit d'hyper-discipline, c'est un peuple hyper-discipliné, c'est un régime qui exige la discipline, et on a le sentiment vraiment que ce corsetage permet de construire une formidable dynamique. C'est un endroit où le collectif a encore beaucoup d'importance. L'individualisation n'a que commencé. Il n'y a pas eu de phase démocratique qui encourage l'individualisation autant que chez nous. Ça ne veut pas dire que les gens ne sont pas des individus. Donc tout ça, ça joue. Le régime joue sur le collectif. Après, les endroits où on se lâche, on se lâche. Mais on se lâche plutôt à plusieurs. On danse, on chante. Et on revient un peu à ce que vous disiez. Vous rappelez le titre de votre documentaire, je vous prie. Pyongyang s'amuse. C'est à voir dimanche soir sur RTS2. Merci une fois encore Pierre-Olivier François. Vous saluerez pour nous Patrick Maurus d'être venu au micro d'Histoire Vivante. Merci mille fois à vous. Histoire vivante, une émission proposée par Jean Leclerc en collaboration avec l'unité documentaire TV de la RTS et le journal La Liberté.